les noms susceptibles de m'entendre. J'ai écrit leur numéro sur un cahier rouge et blanc. J'attendrai longtemps, assis devant mon téléphone, qu'une d'entre elles s'étonne et donne du souffle à mon téléphone pour finir ensemble. Ensemble, ensemble, et mourir ensemble. Ensemble. J'attendrai longtemps, longtemps, longtemps. J'en ai fait des tonnes et tu m'étonnes qu'aucune d'entre elles ne soit bien trop conne pour imaginer qu'un coup d'école fasse pâlir William Shakespeare. Moi je dirais qu'elles ont rien compris, et je jurais que celle de Roumanie serait des milliers à vouloir m'épouser, serait des milliers à vouloir m'épouser pour finir ensemble, ensemble, ensemble, et mourir ensemble, ensemble. Pour finir ensemble, ensemble, ensemble, et mourir ensemble, ensemble. Pour finir ensemble, ensemble. Ensemble.